Nous avons beaucoup employé le petit mot tsu, z-u, prononcé tsu, avec les verbes. Mais tsu a aussi le sens de trop, comme dans « il est trop tard ». Comment diriez-vous « il est trop tard » ? Es ist zu spät. Zu. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Et comment diriez-vous il est trop tard pour faire cela? Es ist zu spät. Zu. Zu. Zu, oui. Zu spät. Pour faire cela? Es zu tun. Bien. Et en ajoutant maintenant. Es jetzt zu tun. Très bien. Es ist zu spät. Es jetzt zu tun. Mm-hmm. Je vais le faire plus tard. Ich werde es später tun. Bien. Encore une fois, ich werde es später zu tun. Non, tun. C'est bien. Ich werde es später tun. Sans le zu devant tun. Bien. Et maintenant, comment diriez-vous il sera possible de le faire? Il ici correspond à ça, cela. Es wird möglich sein. Très bien. Es wird möglich sein. De le faire. Es zu tun. Es wird möglich sein, es zu tun. Et comment diriez-vous, ce ne sera pas possible de le faire maintenant? Ce ne sera pas possible. Es wird. Il ne sera pas possible. Es wird. Nicht möglich sein. C'est ça. Es wird nicht möglich sein. Il ne sera pas possible. Es wird nicht möglich sein. De le faire maintenant. Littéralement, cela maintenant de le faire. Es jetzt zu tun. Es wird nicht möglich sein, es jetzt zu tun. Bien. Je voudrais revenir sur ce que j'ai appelé les verbes porte-manteau. Ces verbes portent un second verbe qui est toujours à l'infinitif. Ces verbes porte-manteau sont donc généralement suivis d'un verbe à l'infinitif. Et ce second verbe ferme la phrase. Il est placé à la fin. Parmi les verbes porte-manteau, il y a werden, qui, nous l'avons vu, est utilisé pour former le futur. Par exemple, je le ferai plus tard, je vais le faire plus tard. Quelle que soit la longueur de votre phrase, le second verbe sera toujours placé à la fin. Alors, comment direz-vous « je le ferai plus tard »?« Je vais le faire plus tard »« Ich werde es später » Oui. « Tun » C'est ça. « Ich werde es später tun » Il sera bientôt ici. Il va bientôt être ici. Er wird, oui, bientôt. Bientôt bald. Bald hier sein. Bien. Er wird bald hier sein. Ça sera très important. Ça va être très important. Es wird sehr wichtig, important. Wichtig sein. Bien. Es wird sehr wichtig sein. Donc, vous voyez que le second verbe, celui qui suit wird, est à l'infinitif. Mais si vous voulez dire « ça sera très important de le faire », alors « de le faire » suit wichtig, important. Important de le faire. Comme lorsque nous avions « je n'aurai pas le temps de le faire ». Alors voyons encore une fois comment dit-on Ça va être très important. Es wird sehr wichtig sein. Bien. Es wird sehr wichtig sein. Maintenant, imaginons que vous vouliez compléter la phrase pour dire « ça sera très important de le faire ». Il vous faut donc ajouter « de le faire » ou « de » se traduit par « zu ». Es zu tun. Bien. Es zu tun. Es wird sehr wichtig sein, es zu tun. Comment diriez-vous « mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant » ? Aber ich habe. Mais je n'ai pas le temps, c'est-à-dire « mais je n'ai aucun temps ». Aber ich habe keine Zeit. Zeit. Keine Zeit. Oui. De le faire maintenant. Es jetzt zu tun. Bien. Aber ich habe keine Zeit, es jetzt zu tun. Et comment direz-vous, je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui? Je ne vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Ich werde keine Zeit heute haben. Ah, bon, là vous avez dit je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Ich werde keine Zeit heute haben. Mais vous pouvez aussi placer aujourd'hui dans la deuxième partie de la phrase, donc je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Alors, je n'aurai pas le temps se dit Ich werde keine Zeit haben. Bien. Ich werde keine Zeit haben. De le faire aujourd'hui? Es heute zu tun. Ich werde keine Zeit haben, es heute zu tun.